S'il vous plaît, j'aimerais profiter de cet instant historique pour vous demander de bien vouloir considérer l'amendement chocolatine. Oui, et par la même occasion, je vous demande... Jamais! Fini! Saloperie! Touche pas mon pain au chocolat! Alors, dans le sud-ouest, la résistance s'organise, des barricades de pâte feuilletée ont été dressées, on lance du gluten sur des CRS complètement perdus, hein, qui répondent forcément par des pains dans la gueule, ou des gueulatines, voilà, alors ça dépend de quel côté on se place. Alors, comme je sens que vous allez vous moquer, hein, je vous sens bien moqueur, j'ai contacté Monsieur Pradier pour avoir des précisions et surtout rappeler le caractère primordial de cet amendement, je le rappelle, l'amendement chocolatine. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a quelques minutes, j'avais mes concitoyens parisiens en téléphone qui me disaient tout le mal qu'ils pensaient du sujet, qui me dit que c'était un sujet très secondaire et qui a passé près de 40 minutes à m'en parler. Donc je dis quand même, pour un sujet secondaire. Ah ouais, moi je fais même une chronique dessus, donc c'est que c'est pas secondaire. Hein. Non, c'est pas secondaire. Vous ne traitez que de sujets tout à fait essentiels. Ah bah évidemment. Convaincu que c'est un sujet essentiel. Voilà, c'est important de le rappeler quand même. Je ne traite que de sujets essentiels, je vous le rappelle tous les jours. Le championnat du monde de vitesse de tricot, voilà, le changement de nom du tournoi de la boule de fort à Sablé-sur-Sarthe, c'était moi aussi. Voilà, disons que dès que la patrie est en danger, je suis là. Je suis un petit peu le Mamoudou Gassama d'un pays suspendu à un balcon. Allô, Vera ? Allô ? Fais-moi, c'est le président. Comment ? Fais-moi, le président, Emmanuel Macron. Bon, faut que tu me prépares des papiers pour mon nouvel ami, Mamoudou Gassama. Qui ça ? Mamoudou Gassama, t'es un sans-papier. Il faut le mettre en prison, s'il n'y a pas de papier. Ça faisait 34 ans que la Ligue de football professionnelle, la LFP, et Canal+, étaient partenaires. Et c'est vrai que c'est jamais facile de se séparer d'un ami de 30 ans, 35 ans. Alex l'a vécu il y a quelques années quand ses abdos ont décidé de quitter son ventre. Vous inquiétez pas, Alex, j'ai eu de leurs nouvelles. Ils vont bien, ils ont retrouvé leur vie dans le corps de Mamoudou Gassama. Il faut faire comme Mamoudou Gassama qui a mis en PLS Eric Ciotti et ses copains. Alors moi je regrette simplement qu'il n'ait pas sauvé une femme voilée parce que là ils implosaient. On aurait Manuel Valls qui serait effondré sur lui-même, ça aurait été beau. Alors, évidemment aujourd'hui c'est toute la France qui rend hommage à Mamoudou, la France des Français et des Françaises que j'ai rencontré ce matin. Je suis émerveillée par la force musculaire de ce gars. Là, il va être naturalisé français. Tant mieux, il le mérite. Plus que tous ceux qui traînent par terre. Celui-là, il en mérite vraiment. Alors, est-ce que parmi les autres qui traînent par terre, comme vous dites, il n'y en a pas qui pourraient aussi sauver des vies ? Physiquement, il faut pouvoir. Là, c'est un athlète, ce gars-là. Il sera aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Alors, attends. C'est les médailles. Ça va un tout petit peu trop vite, là, pour Mamoudou. Il y a 3 jours, tout le monde s'en branlait. Aujourd'hui, tout le monde veut le branler. Ça va trop vite. Devenez aussi blanc que le cul d'un Anglais au mois de novembre. Incroyable ! Mais comment ça marche ? Eh bien, écoutons cet homme qui a testé pour nous le White Stick. En seulement 3 semaines, tout le monde me traite avec dignité. J'ai réussi à trouver un logement, un travail, à rentrer en boîte. Et j'ai même commencé à trouver qu'il y avait trop de noirs en équipe de France. Certes, aujourd'hui, je râle tout le temps, je danse très mal et j'ai un pénis un peu plus petit. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Merci White Sticks. Qu'est-ce que c'est ? Depuis quand ça suffit plus d'aller au restaurant ? Depuis quand faut un artisan beurrier qui te fait une mouillette dans un bar à œufs ? Depuis quand on doit cacher le vide avec des concepts ? Quel concept ? Pourquoi concept ? Le concept, c'est manger. Manger, c'est comme le sexe et le rire, c'est les rares choses pour lesquelles il n'y a pas besoin de concept. Si c'est bon, on fait, il n'y a pas nécessité de discourir autour. Mais moi, j'en peux plus d'attendre. Ah, bah oui, la liste d'attente, elle est aussi longue que la queue pour faire signer le bouquin d'Hollande. Ouais, non, mais on n'arrête pas de nous dire qu'on est la génération qui veut tout dans la seconde et puis on nous fait ce coup-là. Attends, mais t'es en attente, toi ? Parce que moi, en fait, j'ai déjà eu une réponse positive. Hein. Toi ? Mais t'as jamais eu ta moyenne ? Ouais, je sais, mais j'ai fait un petit bilan de compétences via une boîte privée pour m'upgrader un petit peu, tu vois. Et ensuite, j'ai fait faire une super lettre de motif avec un selfie. Mais moi, je suis première de ma classe. Ouais, mais ça, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est avoir un projet professionnel et plus la niaque, quoi. Le glyphosate, rappelons-le, c'est cet herbicide surpuissant. Vous en jetez sur Sébastien Chabal, il devient doux partout comme Nabila, qui est classé comme cancérigène probable, mais c'est pas sûr. C'est-à-dire qu'on réalise pas, mais si ça se trouve juste en bouffant une tomate, on se fait plus de mal que François Damiens quand il descend 14 lèvres. C'est vrai que le marché, c'est la vie. C'est la vie. On va tous vers la facilité parce qu'on se dit, ouais, je vais prendre le métro, peut-être que je vais trouver un frotteur, etc. C'est vrai, peut-être que si je prends un taxi, je me ferai peut-être un copain. Mais en fait, on est des branleurs. J'adorerais pouvoir travailler en marchant. C'est vrai, j'en parlais avec une copine au bois de Boulogne. Elle me disait, fais quand même attention à tes généralités. Mais sur le principe, elle était OK, sur une ristourne, parce que je connaissais Potom Villa, etc. Enfin, soi-disant. Pour de vrai, j'en ai marre de travailler assis. C'est vrai que les gens, ils pensent tout le temps qu'humoriste, c'est juste faire son spectacle, rencontrer son public, sortir en boîte, refuser de la kétamine, finir par accepter, percuter un piéton, passer une nuit en poste, engager l'avocat de Pierre Arditi, être acquitté, prendre un peu de recul et revenir plus fort avec un deuxième spectacle. Mais c'est pas que ça, humoriste.